C'est comme une envie de les fumer, cagouler sur la visière fumée, savoir si je vais assumer. Du seul fait, du seul fait. Moi je passe mes jours au check, à rien faire, à fumer de l'herbe. Souriant, toujours à calmer quand on me fait le nerf. Et moi qui m'en veux, je sais pas gros, je sais plus. Me calme pas s'il te plaît, c'est bon je te dis, c'est tous des putes. Parce que j'ai trop fait le brave maintenant, ça me prend pour un grave. En plus j'ai jamais cavalé, moi tous ceux de mon quartier le savent. C'est bon, faut que tu calmes tes nerfs, n'oublie pas qu'on a tous des nerfs. Celle qui va pleurer si un jour tu finis dans un container. Quoi tu parles de moi, qui vient de me tester dans les couilles. Je viens d'acheter une calage, vendeur m'a dit faut que t'attendes pour les douilles. Je vais me poster au quartier, je vais crier qui veut faire l'indouille. Le premier qui va se poster, ben sur ma mère ça part un coup. Bon la vie c'est pas ça, vu qu'on est que de passage. J'en profite pour te dire que même tes amis c'était rassa. Sur shit feuille, blanc des massa. Calme toi mon poteau, c'est toutes des putes mais ne fais pas comment ça. Tu veux pas avoir envie de les fumer. En plus je sais que si je fais ça, pas beaucoup vont m'assumer. Mais nique sa mère, j'ai trop la rage. Du mal à tourner la page. Dis-leur qu'ils commencent à se cacher, dans pas longtemps je fais un carnage. Ouais c'est des quittés nénéo, mais c'est bon ils te connaissent. Ils savent que s'ils cherchent en face d'eux y'a des cojones. Pense à tes proches, aide ceux qui t'ont aidé quand t'avais rien dans les poches. Même si c'est hoche, éclate vite, fais des croche-pattes. C'est plus des croche-pattes qu'elle me fait, c'est des balayettes. J'ai trop de poids sur mes épaules, un charbon à tenir, juste mon ventre à nourrir, donc plus rien à perdre. Je m'en balayais, qu'ils veulent prendre mon dieu, mais c'était depuis le début qu'il fallait être. Je te comprends, car même moi je suis fauché, fais chier. Vu que t'es mon poteau, au flic, je suis fiché. Dès qu'il sort, on dirait que le check est figé. Ça sent la douille, cagoulé dans le bloc, il faut se réfugier. Oh shit, scogite, viens en s'armant les niques. J'ai un poteau qui a une moto, il est fou, il tire même sur les flics. Il trafique comme moi, il braque comme moi. Lui aussi, il a des embrouilles avec des mecs du secteur comme moi. En plus, c'est la famille, m'a déjà dépanné 3 kilos. Ouais, mais je le connais pas moi, donc reste tranquille. Qui te dit qu'il est vraiment de notre côté? En plus, on m'a dit qu'avec la bande d'ennemis, papoter. Qu'il parlait d'ouvrir un réseau, de tous nous faire sauter. Qu'il a engagé deux petits trous du cul qui veulent nous boycotter. Mais de quoi tu me parles? J'te jure la vie de ma mère, une petite que je connais m'a dit qu'il parle de nous, qu'ils veulent nous monter en l'air. Putain je sers, et je tousse avec mes nerfs. Toi tu moques de mon frère, t'as pas trahi que tu veux pas me faire. C'est désolé si je paranoïe, mais dans ma tête ça part en live. Si t'es chaud viens prends le fer, et avec gars on règle les pailles. J'ai comme une envie de les pailles, cagoulé sous la visière fumée. Mais à savoir si je vais assumer. Dieu seul sait. J'ai comme une envie de fumer, cagoulé sous la visière fumée. Savoir si je vais assumer. Dieu seul sait. J'ai comme une envie de les fumer, cagouler sous la visière fumée. Mais à savoir si je vais assumer. Dieu seul sait. J'ai comme une envie de les fumer, cagouler sous la visière fumée. Mais à savoir si je vais assumer. Dieu seul sait.